les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Laissez faire le temps, laissez faire la vie. D'accord, mais en chanson, et en chanson légère, puisque, comme le titre Arletty... L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Ah, je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la et tout, la la la la la la et tout, la la la la la la et tout. Nous étions la semaine dernière au Grand Théâtre de Bordeaux que dirige Gérard Boireau. Nous restons à Bordeaux cette semaine encore, mais maintenant au Conservatoire, dirigé par le maître Jacques Pernaut, qui nous a offert l'hospitalité. C'est donc au Conservatoire que nous allons rencontrer des professeurs. Et le premier, André Dran. Et tout d'abord, aux villes multitudes, sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez dû chanter un cœur alerte et vif. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Le règne de d'être sombreuses et tristes, mais ces chants-là se trompent lourdement. L'homme vraiment honnête est rempli d'enjouement. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. André Dran, vous venez de chanter la tyrolienne de la belle Hélène qui passe au générique de l'émission depuis des années. Mais maintenant, je vais vous faire parler. Les amateurs d'opérette possèdent tous cette intégrale dirigée par René Leibowitz. Mais à quel moment de votre carrière vous l'avez enregistrée, cette belle Hélène? C'était en 1952, j'étais élève au Conservatoire de Paris. Ouais. Et nous avons également enregistré Orphée aux Enfers. Toujours avec lui? Toujours avec lui. Ouais. Et une grande duchesse, non? Et la grande duchesse de Georgetown également. Avec lui aussi? Avec lui. Également l'heure espagnole. Toujours avec lui. Et alors, dans Orphée, vous faisiez Aristée. Et Pluton. Et Pluton, oui. J'ai d'ailleurs repris, là, dernièrement à Paris, à l'Espace Cardin, dans une mise en scène de Lavelli, 36 soirs. Qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Oui. J'ai bien aimé Lavelli, tout de même, vous savez. Thank you. André Dran, vous n'avez pas chanté que ces deux rôles, que ces trois rôles. Non, j'ai chanté à peu près une centaine d'ouvrages, opérettes et opéras. Je suis allé un peu partout avec La Belle Hélène, avec Les Mousquetaires, avec des tas de choses, quoi. Et également, je sors de l'opérette, là. Un peu, bien sûr. Oui, j'ai chanté aussi La Bohème, Manon, Mireille, Lacmé, Les Pêcheurs. J'ai eu la chance de faire les deux. Oui, c'est une chance. Je suis tombé sur des directeurs de théâtre qui n'avaient pas d'œillères. En particulier, Monsieur Lalande à Bordeaux, Monsieur Deloger, Monsieur Beckmans, Louis Musy, Pujol. On avait de la chance en ce temps-là. Alors, il y a une chose curieuse. Vous avez tenu le rôle de Lazuli dans L'Étoile de Chabrier à la télévision, et c'est un rôle habituellement chanté par un soprano. Quelle idée bizarre. Ben pourquoi bizarre? Je suis peut-être soprano, non? Non. C'était très, très intéressant. Et avec Roger Kahn, on a fait cette télévision il y a au moins 15 ans, je crois. Je suis la Zulie, la Zulie, la Zulie, la Zulie, le colporteur joli, le fournisseur des dames. Et je pense au plus juste prix, bijoux, parfums, poudres, le riz, enfin, et tout ce qui plaît aux femmes, et tout ce qui plaît aux femmes. Oui, je suis la Zulie, le colporteur joli, le colporteur joli, le fournisseur des dames. Je suis mesdames, je le jure, tout aussi fort que la nature, car je le dis en vérité, par l'argent bénit la beauté. Si vous écoutez mon programme, toute l'essence de la femme, vous le trouverez, c'est positif, dans mon magasin portatif. Ses yeux dont l'amour je flamme, jette le trouble dans notre âme. Ses yeux riant sous le sourcil, ce n'est qu'un crayon, le voici. Ses lèvres si fraîches, si roses, qui disent de si douces choses. Ce n'est qu'un bâton de carmin, ce pot de rouge, c'est le teint. Voyez encore cette eau magique, ces flammes. Un effet unique par eux, je puis à vos cheveux donner la couleur que je veux. Enfin, sans faire de réclame, modestement je le proclame. Grâce à tous ces filtres vainqueurs, la mère et la fille, la mère et la fille sont sœurs. La mère et la fille, la mère et la fille sont sœurs. Mon petit Lazuli, mon Lazuli joli. Mon petit Lazuli, mon Lazuli joli, mon joli Lazuli. Tra la la la la la la la la la, tra la la la la la la la la la, tra la la la la la la la la la la la la la la la, tra la la la. Je suis Lazuli, Lazuli, Lazuli, Lazuli, Lazuli, le colporteur joli, le fournisseur des dames. Et je pense au plus juste prix, bijoux, parfums, poudres, le riz, enfin, et tout ce qui plaît aux femmes. Tout ce qui plaît aux femmes. Oui, je suis la Zulie, le colporteur joli, le colporteur joli, le fournisseur de dames. Et parmi vos réussites, je crois qu'on peut dire maintenant qu'il y a votre fils et le fils de Dominique de Pondeau, Thierry Dran. Vous pouvez en être fier, puisque après ses succès en France, il va chanter les Mozart à Hambourg, où Liebermann vient de l'appeler. Et également à l'Opéra de Paris. Et à l'Opéra. Dans le même rôle. Nous sommes très fiers, la relève est assurée en ce qui nous concerne. Donc il fait ses adieux à l'opérette, momentanément, avec ce duo des hirondelles d'Henri Hirschmann, donc André Dran et Thierry Dran, le père et le fils. De loups affamés sont dans la bergerie, prenez garde aux brebis, à leur gloutonnerie. Il faut pépier, manœuvrer très prudemment, doucement, gisement, très gaiement, galamment, lestement. Pour arriver à nos fins, soyons bien patelins. Pour des patins féminins. Moi, c'est donc un escapin, prenons bien son maintien. Moi, j'en ai l'air d'un chérubin. Nargue des parents. Nargue des parents, nargue des parents, qui veulent trop enfermer leurs enfants, entre garçons et jeunes filles, à quoi bon aigrir, nargue des parents, qui veulent trop enfermer leurs enfants. Ils seront bien étonnés, nous le verrons, du joli tour que nous leur jouerons. N'ayez peur des deux loups, n'ayez peur aux jeunes filles. Ils croquent, dit-on, les jeunes filles à peine dents. Mais souvent, celles-ci n'ont ressenti que beaucoup d'agrément. Nous allons donc dévorer celles qu'on va trouver. Je flairerai bientôt le morceau. La bouche m'en vient l'eau. Je m'en poudre les jeunes museaux. Nargue des parents. Nargue les parents, nargue les parents, qui veulent trop enfermer leurs enfants. Entre garçons et jeunes filles, à quoi bon les griller? Nargue les parents, qui veulent trop enfermer leurs enfants. Ils seront bien étonnés, nous le verrons, du joli tour que nous leur jouerons. Ce sont vos adieux à l'opérette ? Non, ce ne sont pas mes adieux, mais c'est un au revoir parce que l'on m'y contraint. Comment ça ? On m'y contraint parce que la réputation d'un chanteur d'opérette en France est basée sur de fausses valeurs. Et elle ne correspond pas à la qualité, souvent générale, des gens qui ont écrit ces opérettes. On a fait ce métier et on a eu l'habitude d'entendre dans ce métier tout et n'importe quoi. Je connais des gens qui sont peu connus, qui ont fait ce métier aussi professionnellement et aussi avec autant de valeur et de talent que des grands chanteurs d'opéra. Il faut autant de rigueur pour chanter l'opérette que chanter l'opéra. Et en plus, il faut souvent être plus comédien et plus élastique à toute une technique. Je trouve que c'est dommage qu'on ne donne pas la chance de faire un travail aussi organisé et aussi sponsorisé, aussi, avec autant de valeur qu'à l'opéra. Je trouve ça dommage. Je suis obligé d'abandonner l'opérette parce que c'est une valeur négligée en France, alors que c'est un de nos fleurons. Voilà pourquoi. Et vous avez fait quoi, vous, dans l'opérette ? Ce que j'ai fait dans l'opérette, j'ai chanté La Belle Hélène, une petite série déjà. Ouais. J'ai chanté, il n'y a pas très longtemps, et je vais le rechanter. Je vais vous offrir un scoop, là. Une œuvre de Messager qui est Fortunio. Et on a coutume de dire, il est classé en France dans le répertoire opérette, cet ouvrage. C'est une hérésie, parce que si on veut bien chanter cet ouvrage, c'est un ténor avec une voix d'opéra comique qu'il faut dedans. Et on a tort, complètement tort, comme me dit mon père, c'est un petit Werther. Et c'est très très difficile à chanter. Ce que je voulais dire pour le scoop, c'est que, curieusement, Gérard Boirot m'a donné une chance. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, de chanter Fortunio, une reprise. Ça faisait 25 ans qu'on ne l'avait pas chanté en France. Il m'a donné cette chance. J'étais un jeune ténor qui débutait. J'ai pris cette chance au vol. Maintenant, je viens de la faire à Avignon. je vais la faire à Lyon 14 fois et on va faire un disque avec Erato. Eh bien, si on prenait l'opérette dans ce sens-là, je pense que ça n'intéresserait pas qu'une toute petite frange de la population et ça inciterait les jeunes qui aiment l'art lyrique à essayer de se colter avec cette technique parce que c'est, comme le dit Gabriel Maquier, très justement, c'est une technique formidable pour apprendre son métier. Formidable. À propos de Baquier, vous vous souvenez de votre première radio? Oui, avec Gabriel Baquier, Gino Culico et moi, on a chanté le trio des mousquetaires au couvent. D'ailleurs, c'est vous, mon cher Rouchouz, mon cher Jacques Rouchouz, qui nous avez demandé de faire cette émission, de faire cet enregistrement. Bon, on peut le réécouter. Parle, explique-toi quel est ce mystère. Jamais mousquetaire ne fut tel que toi. Parle, explique-toi quel est ce mystère de ta vie austère. Dis-nous le pourquoi. Non, non, laissez-moi, il est un mystère. Mais je dois le taire, tout m'en fait la loi. Triste et solitaire. Parle, explique-toi quel est ce mystère. Jamais mousquetaire ne fut à ses droits. Parle, explique-toi, parle, explique-toi. Ah, il est têtu, c'est effrayant. Eh bien, ce secret de son âme, c'est à nous de le découvrir. Je vous l'ai dit, c'est une femme dont la rigueur le fait mourir. Une femme? Une femme. Une femme, et oui, c'est probable. Son trouble même est un aveu. Dans une aventure semblable, toujours une femme est en jeu. Eh bien, tu ne dis rien. Eh bien, j'en conviens, c'est une femme. C'est une femme. Une femme. Une femme. Une toute petite femme. Une femme, une femme, une femme, une femme. Eh ben, oui, c'est une femme. Amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux de toute mon âme. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et si le ciel trahit ma flamme? Oh mon Dieu, à son Dieu, à grand Dieu, à grand Dieu. Comme il est. Cette belle, une infidèle, une cruelle, sans comme les fois, elle te baigne et te gouverne. Oh, te lanterne, explique-toi. Une bourgeoise, quelque sournoise, qui t'apprivoise, farouche et toi. Oui, non, te baigne, explique-toi. Une comtesse, une comtesse, une duchesse, une duchesse, une princesse, une princesse, une drôlesse, une drôlesse. Et là, que me faites-vous dire là? Que venez-vous de dire là? Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Eh ben oui, c'est une femme. Amoureux. Amoureux. Amoureux. Amoureux. Amoureux de toute mon âme. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Et si la sienne. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 11 août 1986.